Chapitre 6. Le lendemain, la comtesse fut revêtue de ses plus riches habits, couchée sur son lit et exposée. Elle resta 3 jours ainsi. Puis on la déposa dans le cercueil, toute parée comme elle était, et on la descendit dans le caveau de la famille d'Epstein. Le lendemain du jour où Albine fut inhumée, le comte partit pour Vienne, où il resta 1 mois. Pendant ce temps, on effaça toute trace de mort, de sorte que, lorsqu'il revint, à part le pauvre orphelin dont Wilhelmine s'était déclarée la mère, on aurait pu croire qu'Albine n'avait jamais existé. Les domestiques avaient compris par instinct que c'était faire la cour à leur maître que d'éloigner de ses yeux tout ce qui pouvait lui rappeler le souvenir de la comtesse. Cependant, malgré tous ses soins, l'émotion de Maximilien fut vive en se retrouvant seul dans ce vieux château. Albert, son fils bien-aimé, était dans une pension à Vienne. Ce fut surtout lorsqu'il rentra dans cette chambre héréditaire qu'on appelait la chambre rouge, ce fut lorsqu'il se retrouva au pied de ce fauteuil contre lequel s'était fendu le front de la comtesse, en face de ce lit sur lequel elle était morte. Ce fut alors que tous les souvenirs qui se rattachaient à Albine refluèrent vers son cœur et qu'il se sentit frissonner malgré lui. C'est qu'en tout temps, et même pour ceux dont la conscience était tranquille, je ne sais quelle terreur glacée, impossible à décrire, tombait de ses sombres lambris. Ce soir-là, elle était augmentée encore par la rage du vent qui sifflait au dehors. Un grand feu brûlait dans la large cheminée, où d'énormes quartiers de chêne se consumaient en criant. Et pourtant, il faisait froid comme toujours dans cette chambre vaste et déserte. Un candélabre à 4 branches était posé, allumé sur une table, et pourtant nulle clarté ne semblait pouvoir illuminer ces murailles sombres et ce haut plafond. C'était absolument comme dans cette soirée terrible où avait eu lieu la scène de la nuit de Noël. Seulement, le fauteuil où Albine était assise était vide. De moment en moment, la tempête augmentait de violence. En se brisant aux angles des murs, l'ouragan gémissait lamentablement. C'était comme de longues plaintes qui ne mouraient que pour renaître, qui ne s'éteignaient que pour recommencer. Certes, le comte était brave. Si on lui eût dit qu'un homme avait frissonné au murmure de la brise, il eût ri de cet homme et l'eût appelé lâche, et cependant le comte frissonnait malgré lui. Il se promenait en rêvant, la tête inclinée sur sa poitrine et le menton appuyé dans la main. Il se promenait de long en large, sans jamais dépasser cependant le cercle de lumière que le candélabre répandait autour de lui. Et de temps en temps même, avouons-le, il jetait un regard dans les angles sombres ou sur les rideaux roides et mouvants. « C'est une terrible imagination, se disait tout bas le comte, que celle qui met dans les longues fureurs du vent les plaintes désespérées de tous les trépassés de ce monde. » Ce pleur incessamment grossi des âmes qui planerait en certains moments sur la nature inanimée, cette angoisse impuissante qui briserait les forêts et se briserait aux montagnes, ce funèbre appel de ceux qui sont sous la terre à ceux qui sont dessus, tout cela serait affreux. Le comte s'arrêta, frissonnant, et s'accouda sur la cheminée. Puis il lui arriva ce qui arrive toujours en pareille circonstance, c'est qu'une fois prise à cette idée, son esprit plongea jusqu'au fond. « Parmi ces morts qui pleurent, se disait-il, Ceux qui se lamentent si tristement dans les corridors du château sont peut-être les miens. Hélas, ils sont bien nombreux. La faux implacable a fait une ample moisson dans ce château. Hélas, hélas, voyons, sans parler des ancêtres, sans remonter à ceux que je n'ai pas connus, il y a d'abord ma mère, sainte femme, quand elle vivait, je l'ai fait gémir bien souvent. Plus elle était douce et tendre, plus j'étais emportée et volontaire, moi. Que de nuits ma mère a passé à genoux entre mon père et moi, exhortant l'un, apaisant l'autre. Et lui, mon père, il est là aussi. Et s'il s'est aussi couché dans sa tombe avant l'heure, c'est moi, peut-être, ô mon Dieu, qui ai abrégé ces derniers jours. C'était un noble vieillard que le comte Rodolphe, mais bien austère et bien rigide. Il n'aurait pas dû prendre au sérieux comme il le faisait les orageuses boutades de ma jeunesse. Mon frère est là encore, sans doute, puisque, depuis le jour où il est parti, je n'ai pas eu de ses nouvelles. Mon pauvre Conrad, oh celui-là, quoi qu'en ait dit mon père et ma mère, je l'aimais bien, ce faible et poétique jeune homme que son père a maudit parce qu'il s'était mésallié et qui est mort probablement parce que son père l'a maudit. Sont-ce là tous ceux que je pleure? Non, non, la funèbre revue n'est pas close. Il y a encore Bertha, ma première femme, un nom plutôt qu'un souvenir, une ombre même quand elle était de ce monde. Figure insignifiante qui n'a passé que pour laisser, Dieu en soit béni, un aîné à la maison d'Epstein. Et puis, il y a... Le comte Maximilien s'arrêta, haletant, et sentant que, quoique appuyé contre la cheminée, les jambes lui manquaient. Il se laissa tomber dans un fauteuil. Puis, dans sa muette pensée, qu'accompagnait cependant le mouvement de ses lèvres, « Il y a l'autre, » reprit-il en respirant avec peine. « Il y a Albine, Albine qui m'a trahi. Oh, elle doit se lamenter plus haut que les autres, celle-là, car sa mort, à elle, n'a pas été une mort naturelle comme celle de Bertha, car la maladie dont elle est morte, c'est ma jalousie. » Car je l'ai tuée, non pas avec mon épée, mais avec ma colère. Eh bien quoi? Je l'ai tuée, ou plutôt je l'ai punie, et je ne m'en repens pas, non? Et cela serait à refaire, que je le referais encore. » En ce moment, le vent gémit plus tristement que jamais. Le comte se leva pâle et glacé. « Comme il fait froid ici, » dit-il à voix haute. Et il poussa du pied dans le foyer un gros tronçon de chêne. « Comme il fait sombre !» reprit-il. Et il alluma un second candélabre placé sur la cheminée. Mais à quoi bon? C'était dans son cœur qu'était le froid. C'était dans sa conscience qu'était la nuit. Pourtant, il essaya de chasser les noires pensées qui se heurtaient à son âme, comme les hiboux au mur d'un caveau. Il appela à son aide la distraction pour lui la plus puissante, ses rêves d'ambitieux. « Allons donc, » dit-il en passant la main sur son front. « Allons donc, Maximilien, n'es-tu plus un homme? Au diable, toutes ces chimères! Voyons, écrivons cette lettre à Kaunitz. » Il s'assit devant un bureau, prit la plume et écrivit la date, 24 janvier 1793. La plume lui tomba des mains. « Il y a aujourd'hui un mois qu'elle est morte, » murmura-t-il. Et il se leva en repoussant violemment son fauteuil. Une singulière angoisse lui serrait le cœur. Il se mit alors à marcher, tout éperdu et essayant en vain de ressaisir sa pensée engourdie. Je ne sais quel murmure funèbre lui disait tout bas qu'il allait se passer quelque chose de terrible, de surnaturel, d'inattendu. Quelque chose qu'il ne pouvait vaincre par la lutte, quelque chose qu'il ne pouvait éviter par la fuite. puis il comparait en lui-même l'agitation qui bouillonnait dans son sein avec le morne silence qui l'entourait et qui n'était troublé que par les plaintes mourantes du vent. Et cela l'épouvantait. Il est des moments où, même pour les âmes les plus fortes, tout se résout en effroi. Dans ce silence, le frémissement du timbre de l'horloge prêt à sonner les 12 coups, ces 12 coups eux-mêmes, dont le dernier venait d'annoncer qu'on était entré dans le 25e jour de janvier, un éclat de bois qui jaillit du foyer sur le parquet, tout cela causa une commotion électrique à cet homme si brave. Le glapissement lointain d'un de ses chiens dans le chenil jeta un trouble insurmontable dans ce cœur si résolu. Bientôt il eut peur du bruit sourd de ses pas résonnant sur le parquet, et il resta debout, sans bouger, appuyé contre la muraille. Mais alors il eut peur de son immobilité même. Il se frotta les mains, il hocha la tête avec un tremblement nerveux. Il attendait. Il sentait venir quelque chose d'effrayant. C'est que le monde invisible qui nous entoure, qui échappe à notre vue, qui fait notre toucher, qui trompe tous nos sens, secouait autour de lui, dans cette chambre silencieuse et sombre, ses muets épouvantements. Toutes les terreurs qu'ont versées Alighieri dans le poème, Michel-Ange dans la peinture, Weber dans la musique, frissonnaient autour des tempes du comte Maximilien. Il les respirait dans l'air en quelque sorte. Que pouvait donc sa pauvre raison contre les visions sinistres de son imagination frappée? Un souvenir terrible s'agitait d'ailleurs vaguement au fond de tout cela. Maximilien se rappelait cette sombre légende de la comtesse Léonore, morte le jour de Noël. Il calculait que la comtesse Albine était morte le même jour que la comtesse Léonore, et il se souvenait que la légende disait que les comtesses d'Epstein, mortes ce jour-là, ne mouraient qu'à moitié. Puis, au fond des ténèbres de son âme, Maximilien entendait la voix d'Albine qui disait « Si je n'avais pas été coupable, mais victime, et toi, Maximilien, qui t'es cru juge, si tu n'avais été que meurtrier. » Ces lentes et solennelles paroles, la voix les répétait 20 fois. 20 fois elles retombèrent sur la conscience du comte, lourdes et corrosives, comme ces gouttes de plomb fondu dont parle Dante. Le comte recueillit toute son énergie pour s'arracher à ce supplice de damné. L'étrange et folle illusion, dit-il tout haut, sans doute pour dominer du bruit de sa voix, la voix qui murmurait tout bas au fond de son cœur. Mais tout à coup, au moment où il parlait ainsi, le cri d'un petit enfant s'éleva dans le silence et sembla continuer la plainte de la morte. Seulement cette fois, il n'y avait point à s'y tromper, le bruit était réel. C'était le vagissement soutenu de l'enfance, et il partait de la chambre située au-dessus de l'appartement de Maximilien. « Allons, pensa le comte, après la mère, c'est le fils maintenant. Son fils, son Everard, un étranger pour moi, un ennemi qu'il faut que j'élève sous mes yeux, dans ma maison et comme mon propre enfant, ou sinon la honte de la mère retombe sur moi. Mais, continua-t-il avec rage, va-t-il se taire à la fin? Wilhelmine est-elle sortie? L'aurait-elle laissé seule dans son berceau? Est-ce ainsi, ajouta-t-il avec un rire amer, qu'elle suit les dernières instructions de son ami? Ayant affaire à un bruit matériel, Maximilien attendit avec moins de crainte, mais peut-être avec plus d'impatience. Cependant, les larmes de l'enfant ne cessaient pas. Maximilien prit son épée, monta sur une échelle de bibliothèque et frappa de la garde au plafond afin de réveiller la nourrice, sans doute endormie. Les cris continuèrent. Bientôt, le mouvement de colère de Maximilien commença de faire place à une angoisse nouvelle. Son cœur, un instant dilaté, s'oppressa comme auparavant. Ce gémissement ininterrompu, qui semblait se plaindre à Dieu de la mort de la mère et de l'abandon du fils, troubla le comte à le rendre fou. Il voulut sortir, mais pour aller où? Il essaya d'appeler quelqu'un. Sa voix s'arrêta dans son gosier. Il prit la sonnette et la reposa sur la table. En effet, qui appeler? Tout dormait dans le château, excepté l'orphelin et le meurtrier. Le feu que Maximilien avait oublié de ranimer s'était peu à peu éteint dans l'âtre, de sorte que l'obscurité envahissait la chambre, où la lueur tremblante des bougies luttait seule contre les ténèbres. Au dehors, le vent mugissait toujours. Au-dessus, les vagissements de l'enfant continuaient à se faire entendre. Le comte avait froid, il avait peur. Et lorsque, dans son délire, il porta les mains à son front, il les retira par un mouvement subit, car il lui sembla que son front de feu brûlait ses mains glacées. Alors, et comme rappelé à lui-même par la force même de sa terreur, il se mit à rire, mais d'un rire morne et terrible, en disant « Ah ça, mais je crois, Dieu me donne, que je perds la tête. Allons voir pourquoi cet enfant crie, c'est bien simple. » Alors il s'avança d'un pas assez délibéré vers la muraille, mit le doigt sur un ressort caché dans la tapisserie et poussa devant lui une petite porte secrète. Cette porte donnait sur un étroit escalier de pierre, connu de père en fils par les comtes d'Epstein seuls, et qui n'avait d'autre issue, également ignorée de tous, que dans les étages supérieurs où pleurait l'enfant, puis dans l'étage inférieur, et enfin jusque dans les caveaux où reposaient les aïeux de Maximilien. Cet escalier était comme un espion géant dressé contre la muraille le long du château et auquel rien n'échappait. Au moment où la porte secrète s'ouvrit, un vent glacial, un vent de tombeau frappa Maximilien au visage, éteignit le candélabre qu'il tenait, et le comte, pâle comme un cadavre, les cheveux hérissés, demeura pétrifié sur le seuil. Dans cet escalier, dont nul que lui n'avait le secret, où nul ne pouvait pénétrer, il entendait le frôlement distinct d'une robe de femme, et il voyait une forme blanche glisser légèrement dans l'ombre devant lui. L'enfant criait toujours. C'était trop de terreurs à la fois. Le comte, sentant que ses genoux manquaient sous lui, s'appuya à la muraille pour ne pas tomber. Combien de temps le comte Maximilien demeura-t-il là, privé de sentiments? C'est ce qu'il n'aurait pu dire lui-même. Il y a des instants qui durent des années. Au bout d'une minute, au bout d'une heure peut-être, il se réveilla baigné d'une sueur froide et écouta le silence. L'enfant ne criait plus. Le vent avait cessé de souffler. Maximilien, dans un suprême effort, réunit tout son courage. Il ramassa le candélabre qu'il avait laissé tomber, le ralluma, tira son épée du fourreau et, s'élançant dans l'escalier, monta jusqu'à la chambre de l'enfant. En ouvrant la porte secrète qui donnait dans l'étage supérieur, le candélabre que le comte tenait de la main gauche s'éteignit de nouveau, et cette fois non par un courant d'air ni par un souffle de vent, mais par une influence surnaturelle. Cependant, la lune, qui, à cette heure, se dégageait d'un nuage qui l'obscurcissait, laissa tomber à travers la haute croisée un de ses pâles rayons, et, à la lueur de cette lumière blafarde, voici ce que vit le comte. Wilhelmine, la nourrice, était absente. Mais Albine, la morte, debout près du berceau de son fils, le balançait doucement. et l'enfant, tout murmurant encore, commençait à se rendormir. C'était bien Albine, et Maximilien la reconnut tout de suite, l'étrange berceuse. Elle portait la robe blanche avec laquelle elle avait été ensevelie. On voyait à son cou cette chaîne d'or à gros anneaux qui lui venait de sa mère et avec laquelle, dans sa lettre à Wilhelmine, elle avait recommandé qu'on l'inhumât. Albine était belle comme de son vivant, plus belle peut-être. Oui, la mort l'avait embellie. Ses longs cheveux noirs inondaient ses épaules, dont la blancheur semblait transparente. Il y avait autour de son front comme une vapeur lumineuse, mais c'était son regard surtout qui répandait une douce flamme, c'était son sourire qui rayonnait. Quand Maximilien parut sur le seuil, elle leva sur lui son œil calme et fier, et approchant un doigt de ses lèvres, comme pour lui imposer silence, elle continua de bercer son enfant. Le comte fit machinalement et de la même main dont il portait son épée le signe de la croix, mais sa main resta comme paralysée à son front. La morte remuait les lèvres. On conjure les démons et non les bienheureux, dit-elle avec mélancolie, et sa voix résonna comme une musique céleste. Croyez-vous, Maximilien, que Dieu m'aurait permis de revenir au cri de mon enfant si je n'étais point parmi ses élus? Parmi ses élus, murmura le comte. Oui, Maximilien, car Dieu est juste, et il sait bien, lui, que j'ai toujours été une épouse chaste et fidèle. Je vous l'ai dit à mon dernier soupir, et vous ne m'avez pas cru. Je vous le répète aujourd'hui que le Seigneur m'a reçu dans son sein et les morts ne mentent pas. Maximilien, cette fois, me croyez-vous? Mais cet enfant, murmura le comte en montrant Évrard la pointe de son épée. Cet enfant est le vôtre, Maximilien, répondit la comtesse. Vivante, les apparences m'accusaient. Morte, ma présence ici me justifie, ce me semble. Je vous dis, comte, que cet enfant est à nous deux et qu'il vous appartient légitimement comme à moi. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Répéta Maximilien égaré, absent de lui-même en quelque sorte, et parlant comme poussé par une irrésistible puissance. Après un moment de silence, il reprit en balbutiant. Mais alors cet homme, ce capitaine Jacques, quel était-il? Vous le saurez un jour, mais probablement trop tard. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'un serment me lie morte comme il me liait vivante. C'est que cet homme n'a été et ne pouvait être pour moi qu'un frère. Mais en ce cas, s'écria Maximilien. En ce cas, je vous aurais donc soupçonné injustement. D'où vient que vous ne vous vengez pas alors? Albine sourit à ce mot de vengeance. Oh, je vous pardonne ma mort, Maximilien, reprit la morte. Les orages des passions humaines n'agitent plus la sphère céleste où nous nous reposons. Seulement, tâchez d'adoucir pour votre fils votre humeur violente et farouche, Maximilien. N'appuyez jamais la main sur lui comme vous l'avez appuyée sur moi, car il est bon que vous sachiez que Jésus m'a accordé de continuer, même au-delà de la tombe, mes soins maternels et de veiller sur le père et sur le fils pour protéger l'un au besoin, pour punir l'autre s'il le fallait. Car je suis morte dans la nuit de Noël. Dieu puissant, murmura le comte. Ainsi, continua la morte de sa voix grave et solennelle, ainsi, comme Wilhelmine, la chère nourrice d'Evrard, était retenue ce soir, bien malgré elle, près de son mari blessé, et comme mon enfant pleurait, je suis venue bercer et apaiser mon enfant. Mais voici, Wilhelmine, qui rentre. Je retourne dans mon tombeau, prête toujours à en sortir, songes-y, Maximilien, au premier cri de mon fils. Adieu. Albine, Albine, s'écria le comte. Adieu, Maximilien, reprit Albine d'une voix solennelle. Adieu, et prends garde que ce ne soit au revoir. Adieu et silence, souviens-toi, souviens-toi. L'ombre quitta alors le berceau de l'enfant qui s'était rendormi en souriant et s'avançant vers Maximilien qui se dérangea pour lui faire place, elle passa le doigt posé sur ses lèvres devant le comte anéanti et disparut par l'escalier secret. Maximilien, épuisé par tant d'émotions, ne se rendit plus compte à partir de ce moment de ses actions. Sans doute, en entendant le bruit des pas de la nourrice, il referma machinalement la porte mystérieuse, et, guidé par cet instinct aveugle qui survit parfois à la raison, il regagna sa chambre sans bruit. Toujours est-il qu'en se réveillant le lendemain après un sommeil fiévreux, il se trouva tout habillé sur son lit et se dit « J'ai fait un rêve terrible ». Cependant, Wilhelmine, qui l'interrogea, avait été retenue effectivement une partie de la nuit dans sa chaumière par une blessure que Jonathas, son mari, avait reçue dans la journée. Un sanglier qui tenait tête au chien ayant foncé sur le garde lui avait déchiré la cuisse d'un coup de boutoir. Au retour, Wilhelmine avait trouvé l'enfant calme comme elle l'avait quitté. Ce n'était donc pas un songe, c'était une apparition. Mais cette pensée était trop terrible pour le comte et il répéta « J'ai rêvé, j'ai rêvé ».